notre bon Père du ciel, se tourner vers ta parole, c'est de se tourner vers toi. On croit à cause que tu nous as donné la capacité de croire, on croit parce que tu nous as régénérés, on croit que tu nous entends, on croit que tu nous vois, on croit que tu prends plaisir au fait que tes enfants veulent te découvrir, veulent comprendre qui tu es, ce que tu veux. Donc, dirige-nous par tes Écritures, par ton Esprit Saint, afin qu'on puisse te voir d'une façon plus claire et qu'on te glorifie. Amen. Amen. Amen. Oh. Oh, qui a dit oh? C'est moi, ça a fait un drôle de petit son. Oui, on dirait qu'il y a eu comme quelqu'un qui a accroché un micro. Il a jappé. Donc, je vais essayer de... Est-ce qu'on se souvient de la semaine passée? Parce que ce soir, on va continuer et on va voir à partir du verset 26, c'est pourquoi. Donc, à cause du verset 19, aller jusqu'au verset 25, on a vu la semaine passée le péché, le rejet, hein, on a vu ça ensemble. Comment est-ce que les gens ont connu Dieu, ont vu qu'il y avait un être divin qui avait créé le monde, qu'on ne peut pas passer aux côtés du fait de comprendre que ça a le prix du divin pour créer le monde, parce que nous, les humains, on ne peut pas. Tous les humains qu'on a rencontrés, tous les humains qu'on connaît, tous les humains qui ont passé sur la planète, n'ont pas été capables de créer. Donc, on est obligé de croire que la création vient en dehors de la race humaine. Donc, ça vient du divin. Mm-hmm. Donc, il y a juste trois races dans la Bible, divin, angélique et humain. Donc, c'est pas le monde angélique qui a créé le monde, parce qu'ils sont aussi des créatures, selon les Écritures. Donc, il nous reste seulement que le divin qui a pu créer le monde dans lequel on vit, parce que nous, les êtres humains, même si on veut bien crier qu'on sera capable, bien, la preuve est faite, on n'est pas capable de créer. On n'est juste pas capable de comment je dirais bien ça, de faire des choses à partir de rien. À cause de cela, à cause que l'homme n'a pas voulu glorifier Dieu d'avoir créé le monde, à cause que l'homme n'a pas voulu rendre grâce à Dieu de se révéler, hein, de vouloir se révéler, parce que je crois que quand il dit au verset, ils n'ont pas rendu gloire à Dieu, là, c'est au verset 21, et ne lui ont pas rendu grâce. Le mot « rendre grâce » pour s'être révélé à travers la création. Mm-hmm. Je ne pense pas qu'il est en train de dire « je fais un reproche parce que vous n'avez pas rendu grâce parce que j'ai fait parce que je vous ai donné de la nourriture, je ne sais pas quoi, je vous ai fait quelque chose de beau. » Non, c'est parce que par la création, il a rendu visible l'invisible et automatiquement, on devrait rendre grâce à Dieu d'avoir voulu se révéler. Et on ne l'a pas fait. Et on a vu au verset 25, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Donc, au lieu d'adorer et de servir celui qui avait créé le monde, l'être humain a décidé d'adorer la créature à la place. Mm-hmm. Je me suis posé la question cette semaine, quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que l'être humain a commencé à vouloir rejeter Dieu, à ne pas vouloir nous rendre gloire? Quand est-ce que l'être humain n'a pas voulu rendre grâce à Dieu de s'être révélé? Est-ce que c'est... dans la première semaine, la première année, c'est-tu après 1000 ans? Parce que Paul, il parle ici que les êtres humains ont vu, ont connu, mais n'ont pas voulu rendre gloire à Dieu. Mais ça a-tu, je me suis posé la question, ça a-tu duré longtemps, cette période-là, avant que Dieu... Parce qu'on va voir au verset 26 que Dieu va réagir à ça. Il va dire, c'est pourquoi Dieu a fait quelque chose. À cause de ce que l'homme a fait, Dieu va réagir, mais je me suis posé la question comme. Quand mais ça ne part pas du péché d'Adam et Ève directement. OK. C'est une possibilité. J'essaie de nous faire un peu réfléchir. Quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que Dieu a laissé un peu de temps à ce que l'être humain puisse voir? Là, parce qu'on dit on voit comme à l'œil nu hein, les buts de Dieu. Est-ce que Dieu a laissé un temps à l'être humain? On voit que Dieu, des fois, il va prendre un certain temps dans l'histoire des Juifs. Il va prendre un certain temps avant d'emmener le déluge. Entre la création et le déluge, ben, il y a eu peut-être, quoi, 1000 ans, 1500 ans, au moins, parce que Adam est mort à 900 quelques années, puis il n'était pas là quand le déluge est arrivé. Est-ce qu'on peut comprendre? Comprenez-vous? Oui. Donc, il s'est passé un peu de temps. Ben, Dieu semble laisser du temps, des fois, à l'être humain avant d'emmener une conséquence. Donc, je ne sais pas. Parce que là, est-ce que je peux faire entrer tout cela chez tous les êtres humains? Parce que là, est-ce que c'est tous les êtres humains qui ont fait ça? Puis est-ce que les conséquences que Dieu va mettre atteignent tous les êtres humains? Parce que s'il a commencé 2000 ans après, bien, les premiers 2000 ans, les êtres humains n'ont pas eu ces conséquences-là. Donc, c'est ça que j'essaie de voir. Mais je vais juste lancer l'idée parce que l'auteur ici prend un langage différent que l'Ancien Testament. OK? Ou la Genèse. Il prend un terme. On a l'impression qu'à un moment donné, Dieu a fait cela. Et là, on se dit, mais quand est-ce qu'il l'a fait? Quand est-ce que la colère de Dieu s'est révélée? Quand ça dit... Verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, ça continue, là, pour commettre des choses indignes. Tu sais, puis ça parle de meurtre. Tu sais, suite les enfants de Adam et Ève, il y en a un qui a fait un meurtre. Tu sais, c'était déjà là. Ouais, je crois qu'il y a eu des actions qui ont pris place, ce qu'on appellera aujourd'hui des péchés qui ont pris place. OK. Tu sais, avec à Caïn, Abel, mais quand est-ce que Dieu a réagi? Y a-tu laissé un peu de temps? Ou s'il a intervenu, tu suis? Parce qu'on va voir ensemble qu'il y a une espèce de réaction de la part de Dieu, mais je crois qu'on va comprendre quand même ce que Dieu est en train de faire. Je veux juste lancer la discussion, dire, parce que la question souvent que les gens amènent, cette semaine, j'ai parlé avec quelqu'un, puis je l'ai ramené dans la Genèse, j'ai dit, mais est-ce que tu es capable de voir, est-ce que tu crois que tu as péché en Adam? Le péché d'Adam, c'est-tu le péché de la race humaine, ou c'est son péché, puis toi, tu n'es pas inclus là-dedans? Voyez-vous, l'être humain a tendance à dire, mais je n'étais pas là. Pas tendance. Toutes les fois, j'ai parlé à quelqu'un de ça. C'est pour moi qui a fait ça. Oui. On n'était pas là, nous autres. Là. Pourquoi Dieu nous punirait pour le péché de quelqu'un d'autre? Donc, dans ce sens-là, on va voir. J'allais comprendre peut-être un peu mieux tout à l'heure qu'est-ce que je veux dire. Mais ce que je veux qu'on comprenne bien ce soir, c'est que la réaction de Dieu vient suite au péché du verset 20 au verset 25. OK? 26, je pense. T'as un petit peu? Ouais. C'est pourquoi? 25. C'est à cause de cela. C'est pas à cause des meurtres. C'est pas à cause des vols. C'est pas à cause des adultères. C'est pas à cause des guerres qu'on aurait fait. C'est pas à cause de la porno qu'on aurait pu regarder. Ça n'a pas rapport avec ça. Il dit, c'est pourquoi, à cause que l'homme a fait ce qu'on vient de voir, qu'il n'a pas voulu glorifier Dieu d'avoir créé le monde, qu'il a adoré la créature au lieu du créateur, c'est pourquoi Dieu a réagi. Et c'est important qu'on comprenne ça pour nous et pour les gens avec qui on va parler. OK, Dieu va... Je vous ai parlé la semaine passée qu'il y a un problème, Jésus-Christ va venir comme solution. Donc, la solution, ce n'est pas de venir pour emmener les hommes et les femmes à faire moins de péchés. C'est pour régler autre chose. C'est arrêter l'homme d'adorer la créature et d'adorer et de servir Dieu. C'est ça qui vient régler comme problème. Okay? Ben, c'est quelque chose. Et c'est pas le... Puis, j'ai tendance à voir que, en tout cas, j'ai fait ça, peut-être vous l'avez fait, on a tendance à évangéliser les gens puis les amener à penser à leurs péchés qu'ils font dans leur vie quotidienne et que Dieu va les punir à cause de ces péchés-là. Et que quand ils se convertissent, ils devraient arrêter de faire ces péchés-là. Oui, Isabelle? Ben, dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ils ont péché, là, en réalité, ils ont adoré la créature. Ils ont adoré leur propre, eux-autres-mêmes. Donc, eux sont la créature. Oui. Donc, ils ont voulu amener la créature à la position de Dieu. Okay? Donc, un peu comme... Ils ont voulu être comme Dieu. Hein? On l'a vu ensemble. C'est ça le problème. L'homme n'a pas voulu jouer son rôle de serviteur, d'adorateur, de loueur, si j'invente le mot, là, de celui qui va servir Dieu ou servir à la gloire de Dieu. Il veut, lui, se glorifier. Donc, quand moi, je mets un homme sur un piédestal puis je dis qu'il est Dieu, j'élève la race humaine au divin. Quand je prie un être humain, peu importe comment on l'appelle, saint quelque chose ou sainte quelque chose, quand je prie un être humain ou que je dis qu'un être humain peut ou a des attributs divins, je le glorifie, j'en fais un Dieu. Mm-hmm. J'en fais un Dieu. Une fois, je me suis assis avec quelques femmes qui étaient des catholiques et j'ai essayé de leur faire comprendre qu'ils avaient emmené Marie à la divinité. Mais il me disait, non, on n'a jamais fait ça, on n'a jamais dit que Marie était Dieu. Et j'ai dit, votre comportement me dit que vous pensez qu'elle est Dieu. Mm. Vous pensez qu'elle vous entend tout le temps, partout ce que vous êtes. Mm-hmm. Donc, elle sera omniprésente. Mm. J'ai dit, s'il y a 10 000 ou 100 000 ou 10 millions de personnes qui prient Marie en même temps sur la terre, vous dites qu'elles entendent toutes. Donc, elle est omnisciente, omniprésente, omnisciente. Mm-hmm. Donc, vous lui donnez des attributs divins, vous en faites un être divin. Et ils ont compris. Ils ne se sont pas convertis, mais ils ont compris qu'ils donnaient à Marie des attributs divins qu'elle n'aurait pas pu lui donner. Donc, il dit, moi, je prie Dieu parce qu'il est toujours présent partout ce que je suis. Il entend tout ce que je dis. Et en même temps, il entend les millions qui prient en même temps parce qu'il est divin. Il entend tout le monde. Et il peut agir. Il peut réagir à ma prière parce qu'il est tout puissant. Marie ne peut pas rien faire. Elle ne peut pas rien faire. La seule chose qu'elle pourrait faire, si elle vous a entendu, c'est demander à Dieu de faire quelque chose. Parce que elle ne peut pas rien faire. Elle n'est pas omnipuissante. C'est une créature. Ça, c'est le péché. Ça, c'est ce que Dieu dit. C'est pourquoi je vais faire de quoi? C'est pourquoi je réagis. Et donc, ça, c'est important qu'on comprenne ça. Donc, c'est... Et là, on va essayer de voir, mais qu'est-ce qui fait là Dieu à partir du verset 26? Parce que le mot dans ma Bible, c'est pourquoi. D'autres Bibles ont à cause de cela, ce qu'on vient de voir. Par conséquent. Dieu va faire de quoi? Oui, Daniel? Non, je dis par conséquent. Par conséquent, oui, c'est la même chose. Par conséquent, Dieu a fait. Dans certaines Bibles, si on a toutes des secondes, on a tous le mot. C'est pourquoi Dieu les a livrés. OK? Ouais. Les nouvelles Bibles, Sommeur, Français courant, les autres Bibles ont Dieu les a abandonnés ou Dieu les a laissés. OK? Ça change le sens. Selon moi, ça change le sens. Mais on va le lire. On va voir le premier pourquoi. À soir, on va en voir trois. Il y a trois, c'est pourquoi. Okay. Donc, Dieu va les nommer, par la bouche de Paul, bien entendu, c'est Paul qui va les dire. Et on va essayer de découvrir qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu a fait? Et à quoi est-ce qu'il va livrer l'être humain? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quand Dieu a livré... Là, à ce moment, on va essayer de voir à quoi Dieu nous avait livré, nous, les êtres humains, avant d'être croyants. Okay? Dieu nous avait livré à quelque chose. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'était, comment est-ce qu'on le percevait, comment est-ce qu'on a compris, parce que ça va, je vous ai déjà dit dans le passé, si je comprends mal qui j'étais avant de devenir chrétien, je vais comprendre mal c'est quoi un chrétien. Est-ce que vous saisissez ce que je dis là? Si je comprends mal qui j'étais avant de devenir chrétien, je vais mal comprendre c'est quoi un chrétien. Parce que Dieu, lui, il prend l'être humain comme il est avant de se convertir, puis il va le transformer. Mais moi, si je ne comprends pas bien ce que j'étais, je vais comprendre mal la transformation et ce que la transformation devrait produire. OK? Donc, c'est important qu'on comprenne bien qui on était avant, ce que Dieu avait fait avant. Quand, comme mettons, Dieu, il dit, si vous mangez de l'arbre, vous allez mourir, il faut bien que je comprenne, ça veut dire quoi être mort? Cette semaine, j'écoutais quelqu'un qui disait, oui, on est mort, mais on était encore capable. OK? Donc, il disait qu'on était mort, mais on était encore capable. On ne définit pas comme pareil l'état de l'homme avant le salut. Donc, ça, là, je l'écoutais un peu plus et ça là, il y avait une définition de la vie chrétienne différente que j'avais. Ça l'influence. Ça l'influence ce que je vais être en tant que chrétien. Donc, c'est si important. Ce n'est pas pour rien que Paul va prendre 3 chapitres pour définir l'état de l'homme, païen et juif, avant de dire la solution que Jésus va apporter. OK? Donc, c'est important qu'on le voit bien. Donc, je vais demander à Patrick, parce que Patrick est en bas dans mon écran, de lire la première, c'est pourquoi, c'est le verset 26, aller jusqu'à... 24. Non, c'est 20... Excusez, 24 à 25. 24 et 25. OK. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Okay. Praise the Lord. Donc, il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Le mot « les », là, ça représente la gang du verset 20 à 23, hein, jusqu'à 23. Ça représente la gang qui n'ont pas voulu connaître, qui n'ont pas voulu glorifier Dieu, qui n'ont pas voulu lui rendre grâce, qui ont adoré la créature au lieu du Créateur, qui ont fait des images, qui ont corrompu la vérité de Dieu en mensonge, en adorant la créature ou les reptiles ou, en tout cas, hein, ce qu'on a vu. Donc, c'est, le lait, là, c'est ces gens-là. Donc, si je ne me vois pas dans le verset, jusqu'au verset 23, je ne peux pas me voir dans le verset 24, dans le lait. Mais si je me vois dans le lait, c'est-à-dire partie de ces gens-là, donc Dieu a livré. Le mot livré, là, quand je dis que... comment vous voyez ça? Ou comment vous voyez la différence entre Dieu, dans les autres Bibles, Dieu a abandonné, ou Dieu a laissé. Dieu les a laissés à l'impureté. Oui, Daniel? Ben, dans ma tête, livré, c'est plus comme on le prend, puis on le met là. Il y a une action reliée avec ça, je trouve. Okay. Livré. Donc, il y a une action de la part de Dieu. Okay? Oui. On va... Tandis que je trouve que l'autre terme employé, là, abandonner, c'est comme on laisse aller, on fait rien. OK. C'est comme un peu différent, je trouve, là, mais peut-être que je me trompe. Non, je crois que c'est différent. C'est différent. C'est le même terme ici qui est employé quand Paul va parler que Dieu a livré Jésus à la mort. Il ne l'a pas abandonné. Il a fait une action. Il a emmené Jésus et c'est comme s'il l'aurait poussé vers la mort. Quand il a dit « va vers », il l'a envoyé vers. Il l'a livré à quelqu'un ou à quelque chose. C'est le même mot qu'on voit dans l'Évangile quand il dit, Jésus parle et dit qu'il va livrer celui qui n'a pas voulu pardonner. Il l'a livré au bourreau. C'est pas quelque chose de passif. Il a pris celui qui n'a pas voulu pardonner puis il l'a donné à quelqu'un d'autre. Donc, il y a une action très engagée de la personne. Dieu prend la personne puis il le livre à quelqu'un d'autre. Paul va dire ailleurs qu'il soit livré à Satan dans Corinthiens 5. C'est le même terme, là, c'est le même mot dans l'original. C'est une action de prendre quelque chose ou quelqu'un et le donner à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas abandonné. Je regardais pour trouver un exemple. J'ai un chien et mon chien fuit, s'en va. Et je vais pour aller le chercher. Puis quand je m'approche, il fuit. Je peux me relever de bord et l'abandonner, le laisser là. Hein? Ça, c'est l'action d'abandonner. Bon, bien, je t'abandonne. Tu ne veux pas venir avec moi, je te laisse là. Ou je pourrais dire, je te livre au vagabondage pour le restant de ta vie. Tu ne peux pas revenir. Voyez-vous la différence? Un, c'est je me retourne d'abord, je m'en vais et je te laisse faire. L'autre, c'est que je t'empêche de revenir. Je te livre à une vie de vagabond parce que tu me fuis, tu m'as abandonné, tu me rejettes comme ton maître ou comme ton propriétaire. Je ne sais pas comment je pourrais bien le dire là, en tant qu'un animal. Mais voyez-vous la différence? Parce que c'est important de comprendre. Parce que Dieu va faire une action envers les gens qui ne l'ont pas voulu glorifier. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il a fait. Il faut comprendre parce qu'il nous l'a fait à nous. En tout cas, il l'a fait à moi, hein, parce que j'étais un homme qui ne glorifiait pas Dieu avant, ne rendait pas grâce à Dieu avant ma conversion. Tu refusais de donner de gloire à Dieu. Ah oui, puis... De rendre grâce. En plus... Je le blasphémais et je l'accusais de tous les malheurs. J'étais loin de le glorifier. Je l'injuriais en parole parce que je disais c'est à sa faute, c'est à la mal, c'est lui qui est responsable. Donc, j'étais complètement contraire. Okay? Donc, mes actions démontraient que je rejetais Dieu carrément, totalement. Donc, mais ce n'est pas tout le monde qui est allé, on pourrait dire, qui a verbalisé sa colère contre Dieu, comme je l'ai fait en parole, en action. J'ai quitté les églises, j'ai rejeté Dieu, j'ai tout abandonné ça. Mes paroles manifestaient que j'étais un anti-Dieu. Okay? J'étais un anti-religion, un anti-Dieu. C'est pas tout le monde qui va à cet extrême-là, dans le sens qu'il va le verbaliser de la même manière. Mais est-ce que Dieu, si Daniel le fait différent de moi, ou Isabelle le fait différent que moi et Daniel, est-ce que Dieu va livrer aussi Isabelle? Okay? Est-ce qu'il nous a livré les cinq, même si on n'a pas exprimé de la même façon notre rejet de Dieu? Donc, j'étais en train d'expliquer, et on va commencer. Le mot « livrer » à, ça va être trois fois. Donc, le mot « livrer », si je livre à la mort, ou je livre au bourreau, ou si je livre à l'impureté, comme on vient de voir, tout à l'heure, ça va être je l'ai livré à des passions, livré au leur sens éprouvé. On le livre à quelque chose et il faut qu'on puisse discuter un petit peu là. Est-ce qu'il y a un moyen de retour ou si le mot livré veut dire qu'il n'y a pas de retour? OK? Que si moi je te livre à la mort, tu ne peux pas sortir de la mort. Si je te livre au bourreau, est-ce que tu peux sortir? OK? Comment vous voyez ça? Oui, Mathieu? Je pense que si Dieu nous livre à quelque chose, il y a juste lui qui peut nous en délivrer. Donc, nous, on est pris dans cet état-là, c'est sûr, à 100%, à moins que lui nous en délivre. OK. Je crois que tu as pleinement raison, Mathieu. Tu n'es pas trop fatigué. Ton raisonnement est bon. Donc, si quand Dieu livre quelqu'un à quelque chose, il n'y a pas de possibilité que la personne s'en sorte, à moins que Dieu intervienne. C'est là que Jésus va intervenir pour nous sortir de cela. OK? Nous, on est livrés à. Ça veut dire qu'on ne peut pas, par nous-mêmes, sortir de la situation que Dieu nous a mis. C'est ce que Paul va dire dans le Romains 8. La chair ne veut pas et ne peut pas aimer Dieu ou servir Dieu. Elle ne peut pas, elle ne veut pas parce qu'elle a été livrée à. OK? Donc, c'est important, ça. C'est vraiment important qu'on comprenne ça. Parce que ça nous donne notre état avant. Ça va nous aider à comprendre chapitre 9, 10, où ce qu'on va parler d'élection. On va parler le choix de Dieu avant qu'on vienne au monde. On va voir ces choses-là. Et que, parce que si j'ai été livré à, je peux, si Dieu n'intervient pas, je ne peux pas, moi, bouger. Je suis dans la prison. C'est comme si je mettais de la nourriture en dehors de la prison, je disais, va t'en chercher si tu veux, mais je ne peux pas. OK? Je ne peux pas, mais la Bible va plus loin, tu ne veux même pas. Tu ne me crois pas quand je te dis que j'ai mis de la nourriture à l'extérieur. Tu ne veux même c'est pas. Total, hein? C'est total. C'est total. Donc, c'est important qu'on comprenne bien ce geste de la part de Dieu. Et l'être humain a de la misère à comprendre ou à accepter que Dieu a livré la race humaine. Il l'a enfermé dans une position qu'il ne peut pas sortir de là. C'est important qu'on comprenne ça. Et je parlais avec quelqu'un cette semaine. J'ai dit, tu ne te rends peut-être pas compte que tu as voulu être comme Dieu. Ben, elle a dit non. Mais je me semble que je n'ai jamais voulu être comme Dieu. Donc, j'ai dit, je vais essayer de te faire comprendre. J'ai dit, à chaque fois que tu décides que Dieu a dit que c'était mal, toi, tu dis que c'est pas mal, c'est correct, tu te mets à la même position que Dieu et que tu as le droit, toi, de déterminer qu'est-ce qui est bien ou mal. Tu as même le droit à dire que Dieu n'est pas plus fin que toi pour savoir qu'est-ce qui est bien et ce qui est mal. Je dis, à chaque fois que tu dis à Dieu quoi faire, dans quelle position est-ce que tu te mets? Et quand tu veux diriger ta vie, sans demander à Dieu quoi que ce soit. Tu veux dire, je fais ce que je veux quand je veux. Tu t'es soustrait à l'autorité divine et tu dis, moi, je suis capable de diriger ma vie, je n'ai pas besoin de toi. Donc, tu te mets dans une position d'égal avec Dieu. Okay? Tu te mets des positions d'égal avec Dieu. Ben, si c'est ça que ça veut dire, ben, je voulais être égal avec Dieu. Si c'est ça que ça veut dire, c'est ça que ça voulait dire. C'est ça. L'être humain s'est levé, a pris une position et a dit, moi, je peux déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Moi, je peux le faire. Je suis autant capable que Dieu de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Je peux diriger ma vie sans Dieu. C'est pour ça que Paul va dire à plusieurs reprises, l'être humain normal, croyant, devrait dire, si Dieu le veut, on va faire ceci ou cela. Si Dieu le veut, on va aller là. Donc, il est en train de dire, il y a quelqu'un au-dessus de moi et je l'admets, je l'accepte. Il est plus intelligent que moi, plus sage que moi. Donc, c'est lui qui m'a créé. Donc, il doit savoir qu'est-ce qui est bon pour moi. Voyez-vous, c'est ça la position de la créature. Mais la position de la créature, pourtant, ce que j'entends, ce que j'ai fait, ce que j'entends autour de moi en tant que race humaine, c'est que Dieu, bon, il fait un bras d'honneur puis on dit on est capable plus que lui. On sait, nous, qu'est-ce qui est bon pour nous. Dieu ne le sait pas vraiment. Mais là, on va voir les trois fois, là, le mot livré, on l'a expliqué, on va voir les trois fois à quoi Dieu livre l'être humain. OK? Parce qu'il le fait trois fois. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. On va essayer de voir ensemble. Il a dit ici au verset 24, Dieu les a livrés à l'impureté. Le mot impureté a tendance à vous faire penser à quoi? Au péché. Sexuel, je pense. Je ne sais qui pas. Est pas pur. Ouais. Est-ce que vous pensez, vous avez tendance à penser à sexualité par mot impureté? On dirait, je ne sais pas. C'est plus un mot trop utilisé, mais je pense à tendance à vouloir dire ça. OK. À cause du reste du texte. Okay. Aussi. C'est ce que je voulais vous faire dire afin de prouver que vous avez tort. OK? Donc, je vais vous montrer que vous aviez un peu tort. Puis, c'est bien correct parce que à matin, quand j'ai fait la recherche de mots, pas matin, hier, j'ai dit, est-ce que Paul me parle vraiment d'impureté ou s'il y a une autre idée? OK? Et là, je suis allé chercher le mot impureté dans le texte original, puis voir est-ce que Paul le réutilise dans Romains et dans d'autres livres que Paul a écrits. Et dans les autres livres, il utilise le mot toujours de pair ou presque toujours avec le mot impudicité. Et là, le mot impudicité dans la langue originale, c'est le mot porno. Porno. Là, c'est sexuel. L'impureté n'est pas sexuelle ici dans le texte. OK? C'est pas sexuel. Et c'est plutôt une impureté qui reflète la pureté dans le texte, ce serait être à Dieu. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Le mot cœur pur, c'est ceux qui sont attachés entièrement à Dieu. Et c'est ça qu'il va dire dans le texte, selon les convoitises de leur corps, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité en mensonge et adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Voyez-vous donc, ils se sont détournés. La pureté, c'est rester attaché à Dieu et adorer Dieu. L'impureté, c'est comme l'impiété, on pourrait dire. L'impureté, c'est d'avoir détourné, se tourner vers la créature puis l'adorer, elle, à la place. Okay. Mm. Voyez-vous son raisonnement? Il dit, tu n'as pas voulu m'adorer et me servir moi, tu as voulu adorer les créatures, mais je te livre à ça. Tu ne seras pas capable. Tu vas toujours maintenant te tourner vers la créature. Et tu vas en subir les conséquences. Parce que entre moi et vous, l'être humain qui se tourne vers la créature comme Dieu, il est voué à souffrir, il est voué à se mettre dans le chaos, dans le problème. Je vais vous conter une petite anecdote. C'est pas drôle, c'est drôle. Quand j'étais garçon, on a fêté à un moment donné au travail, on a fêté, je pense que c'était Noël, et on est allé dans un bar, puis on a pris un coup. Et j'étais plus en état vraiment de conduire. Donc j'ai demandé à quelqu'un d'autre de conduire pour moi. Sans me rendre compte que l'autre était plus chaud que moi encore. Et tu vois, ce que je veux dire, c'est que j'ai demandé à quelqu'un d'autre, dans le même état que moi, de m'aider. Quand l'être humain se tourne vers un autre être humain, une autre créature, pour se faire aider, il se tourne vers un qui est dans le même état que lui. Autant pécheur, autant aveugle, autant sourd, autant impie, autant impur que lui. Puis je dis, hey, je voudrais bien que tu m'aides. Je suis dans le même état que toi, moi, là. Mm-hmm. Si je suis en train de me noyer, je ne peux pas t'aider à ne pas te noyer. Les aveugles conduisent des aveugles, finalement. Voilà. Bonne application, Patrick. Quand Jésus a dit, c'est des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et les deux vont tomber dans le même trou. Mm-hmm. Dieu dit, tu as voulu aller vers la créature pour t'aider, pour l'adorer, pour qu'elle puisse répondre à tes demandes, à tes prières, à tes désirs. Mais moi, je te dis, je te livre à ça. Tu vas rester dans cet état-là. Tant que moi, je ne vais pas intervenir. Il ne dit pas dans le texte ici, il va le dire plus loin, mais le sous-entendu qu'on sait que nous, il va intervenir. Mais il l'a fait à la race humaine. Et je crois que l'être humain, vous l'avez probablement constaté, vous autres aussi, l'être humain, de tous les temps dans l'histoire, se fait des idoles à son image. Tout le temps. C'est comme s'il est pris dans ce piège-là. C'est comme s'il n'est pas capable de s'en sortir. Il veut quelque chose en dehors de lui, puis tout ce qu'il est capable de faire, à cause que Dieu l'a livré à ça, c'est de faire un autre être humain, une autre image d'être humain, de reptile, de ci ou de ça, parce qu'il est juste pogné là-dedans. Il n'est pas capable de s'en sortir. Il est pogné dans sa folie. Donc, c'est comme, on pourrait dire, dans un fou dans un asile qui demanderait à un autre fou de l'aider. Et ils ça sont serait pas... fou? Ça serait un peu fou, oui, bien entendu. Hein? Ils sont pris dans leur... folie. Dans leur folie, ensemble. Ils sont pas capables de s'en sortir. Et c'est ce que Jésus... Paul dit, c'est la première ici. À cause que vous avez fait de ne pas vouloir être venu me glorifier, de ne pas avoir, m'avoir rendu grâce, de ne pas m'avoir reconnu comme étant divin qui a créé le monde. Je vous livre à votre folie et allez-y vers les idoles. Vous êtes pognés là-dedans maintenant. Et vous allez souffrir. Vous allez empirer votre situation. Je crois qu'il y a un certain, Dieu dans sa grâce, il y a un certain bienfait dans ce sens-là, parce qu'on est pogné, on n'est pas capable de s'en sortir. Donc, quand il va venir vers nous pour nous présenter autre chose, bien, ça va nous aider à prendre le bon choix d'aller vers Dieu. Okay? Mm-hmm. Dans ce sens-là, je dirais, ça peut nous aider. Maintenant, on va voir le deuxième. Au verset 26, je vais demander à Daniel de lire le verset 26 et 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc ici, le texte nous dit que Dieu les a livrés à des passions infâmes. Le mot infâme, là, c'est le mot, je ne sais pas comment je pourrais bien dire. Abominable. Abominable ou... honteux. Honteux, oui, c'est le mot honte qui est là, le mot... comme on dirait, un peu pervers. Pervers dans le sens que contre nature, il va le dire un peu plus loin, ils font des choses contre nature, hein? Bon, contre l'usage naturel de l'homme et de la femme. Donc, c'est des. Mais le mot, là, c'est le mot que je veux qu'on retienne, c'est le mot passion. Des passions infâmes. L'homme a des désirs, ou la femme aussi, bien entendu. L'homme a des désirs ou des passions qui sont pas. Selon ce que Dieu a créé, contre nature, qui sont honteuses, qui sont infâmes, et Dieu dit, je vais te livrer à ces passions-là. Tu vas en être esclave. Mm-hmm. Tu vas en être pogné. Tu n'es plus capable de t'en sortir. On va le voir un peu plus loin si on a le temps sur l'endroit. Tu vas même vouloir justifier ces passions-là, dire que c'est correct. Mm-hmm. On va être pogné dedans pareil. Oui, Daniel? Est-ce que c'est parce que un peu plus haut, on a dit que c'était pas impudicité, c'était quoi le mot? Impureté. Impureté. Mais là, ici, dans ce bout de texte-là, ça sent sexuel un peu, mais. Ouais. Mais moi, je pense que donner un exemple de passion infâme. OK. C'est pas juste cette passion-là. Mais l'homme a des désirs qui sont infâmes. Là, il a nommé un, OK, qui va être évident pour tout le monde. C'est un désir qui est contre nature. Tu ne pourras pas comme aller contre cette pensée-là. C'est contre nature. Femme avec femme, homme avec homme, c'est contre nature et tout le monde est capable de le saisir. OK? Ça serait comme contre nature aussi de tuer son semblable. Et là, on pourrait commencer à argumenter, mais oui, s'il voulait me tuer, ça fait-tu quoi? T'sais, là, vouloir justifier. Mais là, il a pris un exemple qui dit, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Je vous ai créé avec des passions pures, des passions naturelles, et vous êtes allé contre nature, mais je vous livre à ça. Ces passions-là que vous avez, ces folies-là que vous avez dans votre cœur qui vous poussent à faire des décisions qui sont contre nature. Exemple. Je vous demande, avez-vous d'autres exemples? Des passions qui seraient contre nature. Mettons, on va en nommer qu'on peut comprendre aussi. Manger en s'en rendre malade. Ouais. OK? Un exemple. Ça va pas. On va pas oser la dire, celle-là. Hein? J'avais pas osé la dire, celle-là. Donc, l'être humain peut se rendre malade. Vous avez probablement entendu parler des orgies romaines, où est-ce qu'on mangeait pendant des jours, et on faisait des orgies romaines, on s'en rendait malade. Mm-hmm. On pourrait nommer la bestialité. rapports sexuels avec les animaux. C'est contre nature aussi. OK? Donc, c'est des passions qui sont infâmes, qui ne sont pas selon ce que Dieu voulait. Et l'être humain, Dieu dit, je te livre à ça. Tu vas en souffrir, tu vas en pleurer, tu vas en avoir honte, tu vas te cacher. C'est pour ça que si longtemps on se cache, on se sent coupable quand on le fait, parce que c'est contre nature. La pédophilie aussi? Oui, la même affaire. C'est toutes des choses qui sont contre nature. Mm-hmm. Et c'est des choses que... Moi, j'appelle ça, ce qu'on appelle, là, des fois, on va entendre les psychologues ou les gens en général ou les personnes vas-y selon ton cœur. Écoute tes désirs. Fais ce qui te plaît. Ces passions-là qu'on a, qui sont contre nature, on est pogné dedans. Combien de fois on a voulu prendre des bonnes résolutions pour quitter ces passions-là qu'on sait qu'ils nous font du tort, on n'arrive pas à les abandonner. Moi, j'ai parlé avec je ne sais pas combien d'hommes qui étaient pognés avec l'alcool, hein, des problèmes d'alcool, pas prendre une bière ou prendre un verre de vin, mais des problèmes qui détruisaient leur vie physique, malade, et détruisaient leur couple, détruisaient leur famille. Ils disaient, je veux m'en sortir. Ils étaient pognés avec. Ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Quand ils réussissent à se tasser de ça, ils en pognent une autre passion, puis ils sont pognés avec. Moi, je dis souvent, rien qu'un péché, il va juste en avoir un autre qui va prendre la place. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu es pogné avec tes passions. C'est pour ça qu'on voit. Oui, Mathieu? Est-ce que les chrétiens, ils sont délivrés de ces passions infâmes-là que tu parles, par exemple? Dieu va nous délivrer, pas d'une façon totale. Ultimement total à la résurrection, quand on va être glorifié avec lui. Pendant un moment, là, présentement, là, je te dirais, là, je vais résumer pour pas qu'on s'éloigne trop là-dedans, on va revenir plus loin dans Romains. Il va nous donner de comprendre que c'est des passions infâmes, que c'est pas ce que Dieu voulait. Et on va être capable de le dire au moins. Mm-hmm. En bas, on va voir dans la bas du chapitre, ils le font et ils approuvent ceux qui le font. Nous, on va dire qu'on n'approuve plus du moins ceux qui le font. On n'approuve pas quand nous, on le fait, puis on n'approuve pas ceux qui le font. Ça va faire la différence entre nous et les autres pendant un certain temps. Mais ultimement, Dieu va nous en délivrer aussi, je crois personnellement, à la résurrection ou à notre glorification, à notre mort, mais qu'on est avec Dieu. Parce qu'ici-bas, on est conscient, vous êtes peut-être conscient encore, qu'on a encore des luttes avec des choses qu'on voudrait abandonner, qu'on n'est pas capable d'abandonner. Et Paul va nous en parler dans Romains 7. Il y a des choses que je ne voudrais pas faire, mais que je fais encore. Mais il est capable de dire que c'est le mal qui est en lui. Il ne l'approuve pas. Il le condamne. C'est ça qui fait qu'après qu'on ait été délivré que Dieu nous a délivré à quoi il nous avait livré, OK? Il nous a délivré parce qu'il nous avait livré avant. Donc, on va être capable de dire, Dieu nous a délivrés de cela, de l'idolâtrie, de nos passions, de nos sens réprouvés. Mais on est encore dans la chair. On va avouer, on va dire que ce n'est pas correct. Mais les autres disent que c'est naturel. Il est au monde de même, ce n'est pas de sa faute. Puis là, on approuve. On essaie de justifier par des lois, par des règles, par des choses, que c'est correct. Mais le croyant ne fait plus ça. Si le croyant fait ça, là, j'ai une difficulté. Là, j'ai un problème. OK? J'ai pas un problème s'il se bat avec ça. J'ai un problème s'il veut justifier cela. Mm-hmm. OK? C'est correct, plutôt. Ouais, voilà. OK? J'ai entendu dire ici, il y a des gens, John MacArthur a pris cette position-là. Lui, je ne sais pas s'il y a encore cette position-là, dans le passé, il disait que l'homosexualité, c'était le fond du baril, le fond du tunnel, le fond, c'est le péché extrême. OK? C'est comme si Dieu les envoie jusqu'à... Je ne crois pas qu'il faut aller dans cette direction-là. OK? Je ne crois pas qu'il faut aller dans cette direction-là. Je ne crois pas qu'il faut il faut parler de cette passion-là comme étant une passion plus sale ou plus infâme que les autres passions. Je crois qu'il faut faire attention de ne pas aller dans cet extrême-là avec ces gens-là. Je crois qu'on peut leur dire. J'ai déjà fait ça une fois avec un homme qui était gay, qui est venu me voir, il m'a demandé qu'est-ce que Dieu pensait de cela, de l'homosexualité. Ben, j'ai fait Romain. Hein, j'ai amené dans Romain. Je dis, regarde ici, la Bible appelle ça, c'est une passion infâme. Dieu nous a livrés à cela à cause de qu'on n'a pas voulu l'honorer, le glorifier, le rendre grâce. Donc, ce n'est pas une passion plus infâme qu'une autre passion, mais on peut reconnaître au moins que c'est une passion infâme. OK? Comme les autres passions qui seraient contre nature dans le même sens. OK? Mm-hmm. Donc, mais j'ai dit à cet homme-là, il a dit, il y a plein d'hommes et de femmes qui ont des passions sexuelles, c'est pas homosexuel, ils ont des passions sexuelles qui sont infâmes aussi. Mm. OK? C'est encore dans le domaine de la sexualité, mais ça peut être aussi infâme parce que c'est pas naturel dans cette direction-là. Mais je crois que Dieu a choisi, c'est ma perception, a choisi quelque chose qui serait frappant. C'est que tout le monde sera obligé de dire, oui, OK, on a des passions infâmes et Dieu nous a livrés à ces passions-là. On n'est pas capable de s'en sortir, tout simplement. C'est tout ce qu'il veut qu'on comprenne, que lui a livré l'être humain à cela et qu'il ne peut pas s'en sortir sans... Parce que le cri du cœur, quand je lis ça, c'était, mais Seigneur, comment je peux en être délivré? Là, il va dire, j'ai une solution. Okay? Moi, je vais te donner tout à l'heure la solution. Comment moi, je peux te délivrer de ce que je te livrais à? Oui, Mathieu? Ah non, c'est bon, je touche mon écran. OK. Voyez-vous le lien entre livrer à et délivrer de? Ouais. Le mot, là, hein, ça va ensemble. Le salut, c'est de délivrer quelqu'un. Dieu m'a livré à, je pourrais dire à la mort, ça serait la même chose. Dieu m'a livré à, et il va me délivrer de ce qu'il m'a livré à. Et juste lui qui peut le faire dans ce sens-là. On va voir le troisième maintenant. Et on va demander à... C'est qui, là? C'est Mathieu. Mathieu, verset 28. On peut lire jusqu'au verset 21. 28 à 31. OK. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes et s'en remplir de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux ou mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Ici, il dit qu'il les a livrés à leur sens réprouvé. Le mot « sens réprouvé », leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes. Vu qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, c'est ce qu'on avait vu au verset 20 à 20, 23, hein? Vu qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, de rendre gloire à Dieu, de rendre grâce à Dieu, Dieu va les livrer à leur sens réprouvé. C'est quoi ça, ce mot, le mot « sens réprouvé » C'est bien, réprouvé, est-ce que c'est le contraire de « approuver » Oui, le mot « approuver », c'est que j'approuve, c'est-à-dire que c'est correct, c'est juste. Hein? C'est des sens réprouvés, c'est des sens qui sont pas corrects, qui sont rejetés. Des sens qui sont mauvais, mal, mais le mot sens comme tel, il les a livrés à leur sens. Les cinq sens, non? Oui, c'est ça. Quand je regarde, Isabelle, as-tu quelque chose que tu veux rajouter? Non, non. OK. Quand je regarde ce qui arrive comme conséquence, l'injustice, la méchanceté, la cupidité, la malice, l'envie, le meurtre, je suis plus capable, le mot sens, là, c'est ma capacité de voir les choses comme il faut. de faire le focus moral sur ce qui est bien et mal. Autant avec tout mon être. Le mot sens, là, c'est, je pourrais dire, leur cœur tordu. Leur cœur, c'est mon être intérieur. Le mot sens, là, c'est pas juste l'ouïe, OK? Puis l'œil ou le nez, c'est mon être intérieur. L'intelligence, comme? Oui. L'intelligence, ça fait partie de mon être intérieur. C'est comme si mon être n'est plus capable d'analyser ce qui est autour de moi. Je ne suis plus capable de faire la différence entre ce qui est bien. Je fais des meurtres, je dis c'est correct. Je fais l'adultère, je dis c'est correct. Je fais toutes sortes de choses. Puis je vais plus capable de voir la différence. Puis tantôt, tu as dit réprouver, ça voulait dire? Le mot, c'est, on pourrait dire désapprouver, okay. Qui n'est pas approuvé par Dieu, qui n'est pas accepté par Dieu, qui n'est pas jeté par Dieu. OK? Mais le mot sens, là, c'est ce que j'ai regardé dans les autres places que Paul va utiliser le même mot. Il parle de l'être intérieur. Ma capacité intérieure de regarder le monde extérieur. C'est comme si je regarde le monde extérieur de mon intérieur. Ce sera un peu la même idée que Jésus a dit. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les jalousies, tout cela. C'est de mon être intérieur. Il est défectueux et Dieu dit, je te livre à ça. À partir de maintenant, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu vas te tourner vers ton être intérieur pour avoir des réponses. Tu ne seras pas capable. Ça n'a plus de bon sens. Ça a du bon sens. Ouais, quand on parle de bon sens, on pense de notre être intérieur. Ça fait dire que c'est intelligent dans le sens que ça a une certaine valeur. Ça fait du sens. Ou des fois, c'est hors du sens, hors sens. Là. Donc, c'est mon. Je me suis tourné vers mon être intérieur. Là, tout le New Age qui dit va vers l'intérieur. Il y a en toi du bon. Va chercher en toi l'énergie. Va en dedans de toi pour trouver la capacité de t'en sortir. Dieu dit, plus tu tournes vers toi, plus ça va te causer des soucis, plus ça va te causer des problèmes, plus ça va te causer des malheurs, des souffrances. Mais je te livre à ça. Tu vas être prisonnier de toi-même. Avec toutes tes décisions que tu vas faire, au lieu de te tourner vers moi, te tournes vers toi-même et tu te prends pour Dieu, tu vas vers toi pour trouver les solutions. Je crois que c'est pour ça que Dieu va dire dans ses semaines, maudit soit l'homme, confie en l'homme. Qui se confie dans l'homme. Et dans le même cas, dans le même texte, il va dire, le cœur de l'être humain est tortueux par-dessus tout. Qui peut y faire confiance? Il dit, puis là, il dit, à cause de cela, maudit sois-tu, tu vas être maudit si tu te confies dans l'homme parce que l'homme a un cœur tordu. Et donc, si tu tournes vers ça, t'es mal pris, là. Donc, il dit, ben moi, je te livre à ça. T'es pogné avec ça maintenant. Une belle application pour dire, hey, confie-toi à Dieu à place. Voilà. Mais l'homme n'est plus capable de le faire. Il est poigné avec lui-même. Il se prend au sérieux. Il croit que la solution est en lui. Moi, je l'entends de plus en plus là, dans les médias, un peu partout. On appelle la race humaine à se retourner vers l'intérieur pour trouver la solution au problème extérieur, à la société, à l'extérieur de lui. Tu as tout ce que tu as besoin dans toi. Là. Vas-y, mon chum. OK? Tu es capable. Tu as toute l'énergie, toute la capacité. Je me dis, boy, ça veut dire qu'on est en train de dire que l'intérieur est correct. Tu peux te fier à tes sens éprouvés. Tu peux te fier à tes passions infâmes. Tu peux te fier à ton corps impur. Vas-y, tu es capable. Mais tout ce que ça fait, ça l'amène la destruction de l'être humain, ça l'amène l'être humain dans le mensonge. Il vient un temps qu'il se croit, il croit ses propres mensonges, et s'appuie sur ses propres mensonges, lui se tourner vers Dieu. Mais voyez-vous, c'est si je comprends bien ça, ça va nous aider à comprendre que l'être humain, Dieu ne peut pas juste dire à l'être humain du haut du ciel, viens vers moi, je vais t'accepter. Il ne peut pas juste dire ça. Il va le dire, mais il va faire autre chose aussi en même temps. Parce qu'il sait que l'être humain n'est pas capable de répondre, parce qu'il lui-même l'a livré à. Et là, le verset 32, là, on sait, qui n'a pas lu encore? Isabelle, vas-y donc, Isabelle. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. OK. Ils connaissent le jugement de Dieu. Comment est-ce que vous comprenez? L'être humain sait que ces choses-là, c'est digne de mort. Ils connaissent le jugement de Dieu. Comment vous comprenez ça? Que l'être humain connaît le jugement de Dieu comme étant digne de mort ceux qui font de telles choses. Ceux qui font l'idolâtrie, ceux qui font aussi, tous ceux qui se fient à leur passion, à leur... Ils savent que Dieu est contre ça, mais pourtant, ils n'en tiennent pas compte. Comment est-ce que l'être humain peut savoir ça? Mathieu, as-tu une idée? Bon, on dirait, d'après ce que je vois autour de moi, la croyance populaire s'est répandue un peu, là, justement, que Dieu est contre tout ce qui est mal. Même les religions vont l'avoir comme propagé. Ouais. Que je parle à quelqu'un au travail, tout de suite, c'est comme tu crois en Dieu, bon, on ne peut rien faire. On ne peut rien dire, on ne peut pas sacrer en avant de toi. Puis... Fait qu'on dirait que c'est en quelque part, ça s'est répandu, là, okay. Cette croyance-là que Dieu est contre le mal. Et les autres, ils sont contre le fait que Dieu est contre le geste qu'ils font. Leur religion ne leur disent pas que Dieu est contre eux et qu'ils sont sous la mort, ils sont dignes de mort. Les religions vont dire, ce que tu fais, c'est mal, mais si tu décides de faire le bien, tu peux, là, Dieu va t'accepter. Okay? Donc, c'est pas si fort que Dieu le dirait. Les religions disent, c'est pas correct ce que tu fais, mais Dieu n'est pas vraiment contre toi. Si tu décides de te virer de bord, ça va être correct. Mais, Patrick? Le seul endroit que je vois où est-ce que c'est que Dieu dit qu'il condamne à mort, qu'il appelle les gens abominables, c'est dans sa parole. Ce n'est pas ma conscience qui me dit que ma conscience peut être obscurcie, ma conscience peut m'accuser un peu, mais elle ne parle pas nécessairement de Dieu. Donc, c'est vraiment les Écritures. OK. Oui, dans les Écritures, je vais voir que Dieu déclare digne de mort ceux qui font de telles choses. Mais on va falloir aller un peu plus loin, Patrick, parce qu'il va dire qu'il va inclure tout à l'heure ceux qui n'ont pas les Écritures, ceux qui n'ont pas la loi. Ceux qui ont la loi et ceux qui n'ont pas la loi. Parce que là, il veut embarquer les Juifs et les païens dedans. Donc, je pourrais dire les Juifs savent par les Écritures, mais le païen, lui, il ne sait pas, il n'y a pas les Écritures. Pourtant, il dit bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Tout à l'heure, on a vu dans les premiers versets, ils connaissent que Dieu existe. Ils savent que Dieu a créé. Ils savent que Dieu est divin. Mais comment est-ce qu'ils savent que Dieu, maintenant, est contre le fait qu'ils l'ont rejeté, qu'ils ont voulu se faire divin? Comment est-ce qu'ils peuvent savoir ça en regardant autour d'eux autres? Parce que là, il va dire que le païen aussi, il sait. Et si on regarde autour de nous, c'est là que tu veux nous amener, ben, ouais. C'est la nature, là, je veux dire, mâle, femelle, il y a des choses qui sont normales, qui sont naturelles, là, quand tu vas contre ce qui est naturel, comme la Bible dit. Donc, c'est évident, encore là, autour de nous, de la façon dont Dieu crée les choses. OK, donc, la question, c'est que ma question est peut-être un peu plus, c'est sur la conséquence. Ils savent que Dieu est contre, mais ils savent la conséquence. OK. OK? Ils savent la conséquence que Dieu met sur homme avec homme, femme avec femme. Et là, je peux la nommer toutes les autres, les meurtriers, les querelleurs, les dépourvus d'intelligence, les médisants, les impies, les arrogants. Ils savent le jugement de Dieu sur ces choses-là. Ils connaissent que Dieu a déclaré digne de mort cela. Comment peuvent-ils savoir cela? Est-ce que c'est parce qu'ils voient justement autour d'eux justement la mort, la maladie, que ça ne va pas bien, autrement dit, dans le monde? Là? Voilà. Donc, la mort est la preuve que Dieu est contre ce qu'on a fait. La mort, on la côtoie tous les jours. Mathieu. Ouais. Mathieu est allumé à soir. Il a pogné le 220 peut-être en travaillant. Il a pogné le courant aujourd'hui. Donc, Dieu, en regardant autour de moi, je vois la mort. Je vois la mort. Je vois les gens qui vivent autour de moi. Puis on dit souvent, la chose la plus sûre quand on vient au monde, c'est qu'on va mourir. OK, le jugement de Dieu, la mort. La mort. La mort, il la voit. Il la voit chez les animaux, il la voit sur les arbres, il la voit sur l'être humain. Ça fait du sens. Ils disent, et puis ils vont le voir comme, ils vont voir que le déluge, ils vont voir dans l'histoire, parce que Dieu va parler à travers l'histoire, il va dire des choses. Ils vont voir que Dieu, dignement, parce que Dieu amène le déluge quand il parle, OK? Dieu amène Sodome et Gomorre quand il y a l'homosexualité dans la ville de Sodome et Gomorre. Donc, ils savent que Dieu est contre ça. OK? Caïn, il sait que Dieu est contre ça. Il va fuir, puis il va se plaindre. Il sait que Dieu est contre le geste qu'il a fait de tuer Abel. Il voit cela. Oui. C'est un peu la même idée, si on voit un petit peu plus haut, là. Quand il dit « recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement ». Oui, donc, il voit que Dieu met des conséquences au fait qu'ils se sont éloignés de lui. Celui qui a créé le monde, qui voulait qu'on l'adore, qu'on le serve, on l'a rejeté, on l'a pas voulu le connaître, on s'est fait des idoles, et Dieu a déclaré, depuis la création du monde, qu'il est contre le fait que l'être humain a fait ça. Il l'a dit. On l'a vu. J'ai parlé avec un médecin il y a quelques années et il dit, on ne comprend pas pourquoi l'être humain meurt. Le corps humain est fait pour survivre, continuer à vivre. On ne comprend pas que vers l'âge de 35 ans à peu près, les cellules arrêtent de se reproduire de façon normale. Il n'y a aucune explication dans la science présentement à cause de ça. Ils peuvent savoir parce qu'une maladie, mettons, si un cancer, ils peuvent comprendre. Mm-hmm. Mais même la cellule qui n'a pas de virus à l'extérieur, il n'y a pas de maladie, elle-même arrête de se reproduire. Mm-hmm. Et l'être humain commence à vieillir, commence à se dégénérer. Il commence à courber, à plisser, à faire ce que tu voudras. Et finalement, il meurt. Mm-hmm. Il va mourir de vieillesse. Il va mort de maladie, il est mort de vieillesse. Okay? Donc, on veut juste dire que le corps a arrêté de se régénérer parce que normalement, la cellule devrait reproduire une cellule identique. Mm-hmm. Mais elle arrête, à un moment donné, les médecins ne savent pas pourquoi. Oui, Isabelle? Et aussi, on peut-tu voir... le jugement de Dieu par toutes les catastrophes naturelles. Qui amène la mort. Ça, il parle toujours digne de mort. OK. OK? C'est pas juste digne de souffrance. Ah oui. OK. C'est digne de mort. Et je crois que c'est pour ça que les religions croient que Dieu est contre eux. Ils font toutes sortes d'efforts pour essayer d'apaiser les dieux. Ils savent que Dieu est contre eux autres. Ils savent que Dieu est mécontent avec ce qu'ils font. Et c'est pour ça que à peu près tous les mouvements religieux que vous allez étudier, vous allez voir Ils ont tous une espèce d'enfer et une espèce de ciel. OK? Il y a une place noire quelque part. Ils savent que leur comportement est digne de mort. Ils le savent. Okay? Ils savent que c'est leur comportement. Et on va le voir un peu plus loin, il va dire leur conscience les accusant. Dieu a mis dans l'être humain une conscience. Quand Adam et Ève ont péché, ils n'ont pas attendu que Dieu vienne leur dire « Hey, c'est mal ce que vous avez fait, vous devriez aller vous cacher, là. » Instinctivement, ils savent que ce qu'ils ont fait était mal, qui était contre Dieu. Et depuis tous les temps, l'être humain sait que ce qu'il fait est mal et contre Dieu et que Dieu est en colère contre eux autres à cause qu'on fait ça. Il sait que c'est... Ils sont sous la colère de Dieu, ils sont sous la mort, sont sous le... c'est digne de mort. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non et ils approuvent ce qu'ils le font. Ils nient cela. Ils disent que c'est... On ne va pas mourir, comme Satan avait dit, vous n'allez pas mourir, vous allez être comme Dieu. Ils continuent à perpétuer le mensonge et ils approuvent. Ils le font et ils approuvent ceux qui le font. Donc, pourtant, ils savent. Il n'y a pas personne qui va pouvoir arriver devant Dieu et dire, je ne savais pas que tu existais et je ne savais pas que tu étais contre ça. Mais semble Dieu leur dire, mais pourquoi tu faisais tant de sacrifices? Pourquoi tu faisais tant de prières? Pourquoi tu as fait chanter des vers pour les morts? Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça si tu ne le savais pas? Tu savais qu'il y avait quelque chose? Tu savais que tu n'étais pas correct? Tu le savais? Mais tu n'as pas voulu me servir, tu n'as pas voulu me reconnaître comme ton créateur, et donc automatiquement, tu es inexcusable. On l'avait vu au début. Ils sont inexcusables parce qu'ils savent. Ils savent que Dieu les a créés et ils savent que Dieu est en désaccord avec la façon qu'ils vivent et la façon surtout qu'ils le traitent lui. Le fait qu'ils n'ont pas voulu l'adorer, le glorifier, le servir et qu'ils se sont élevés eux-mêmes, élevés la race humaine à la position divine en se faisant des idoles d'êtres humains et qu'on attribue à l'être humain des capacités divines. Voyez-vous, là, Dieu a livré, et l'apôtre Paul ici embarque tout le monde. Il y a certaines bibles qui marquaient au-dessus que Dieu a livré les païens, mais ce n'est pas les païens, c'est tous les êtres humains, c'est toute la race humaine, parce que Dieu va avant ici la loi, avant toute race humaine. L'être humain ne s'est pas soucié de Dieu, de connaître Dieu, de l'adorer, tout ça. Dieu l'a livré à sa folie, qui a appelé impureté, passion infâme, sans s'éprouver. Et il les a livrés à cela. Et toutes ces choses-là sont dignes de mort. Et il faut bien comprendre ça. Ça va nous aider à comprendre les autres textes après. Ça va nous aider à comprendre pourquoi un juif que la loi devant lui, il va le mal l'interpréter, qu'il va mal l'utiliser, qu'il va la proclamer comme étant la loi de Dieu, mais qu'il ne va pas la faire. On va comprendre. Il a été livré, lui tout, le juif. Donc, et le païen, lui, il y a d'autres choses qui l'amènent à voir qu'il est coupable, mais en même temps, il ne va pas écouter sa conscience, il ne va pas écouter ci, il ne va pas écouter ça. Lui tout, il va être digne de... Mais là, on va comprendre plus. Mais moi, je comprends que François, jusqu'à l'âge de 26 ans, j'étais dans cet état-là. Livré à mes passions, livré à mes sens éprouvés, livré à mon impureté dans le sens que je n'étais pas consacré à Dieu, je n'aimais pas Dieu, j'étais contre Dieu. J'étais un impur ou un impie dans ce sens-là. C'est l'état dans lequel j'étais avant. Donc, c'est important qu'on le voit. Ça va influencer tout à l'heure notre compréhension de l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile vient changer en moi? Et Si je suis encore dans la chair, mais je suis encore un peu comme ça, OK? La chair qui est encore là en moi, mais c'est encore une chair qui a des sens réprouvés, qui a des passions infâmes, qui a une impureté par rapport à la personne de Dieu. Donc, je suis encore appuyé avec ça, même si je suis un croyant. Donc là, la lutte va s'installer, hein, entre les deux, entre le côté qui a été régénéré et le côté qui est encore livré à la mort, je ne peux pas dire de même. OK? Il va falloir se comprendre. Parce que, est-ce qu'on va pouvoir améliorer cette partie-là? Est-ce qu'on va pouvoir transformer ça? On va voir que non. La sanctifier. On va voir que on va espérer en Dieu pour transformer le restant comme il a transformé la première fois. Comme il a changé la première partie par un miracle de Dieu. Je vais mettre mon espoir, comme Paul va nous dire dans Romains 8, que mon âme soupire après la délivrance du restant et pas encore été délivré. Et donc, et ça va venir à la résurrection, je crois personnellement, ou à la glorification de Dieu, quand Dieu en est me chercher ou chercher son Église. OK, donc, est-ce que ça nous aide à comprendre que Dieu nous a livré à? OK? Dieu nous a livré à la mort. On peut le résumer dans un terme qu'on comprend bien. Dieu nous a livré à la mort dans tous ses sens, dans toute sa laideur, dans toute sa colère contre Dieu, sa haine contre Dieu. Dieu nous dit, tu veux aller dans cette direction? Je te livre. Le mot important, là, je crois, c'est livrer. Tu ne peux pas t'en sortir. Il va falloir que tu te tournes vers moi d'une façon quelconque. Sans ça, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas t'en sortir. Toi, tu es esclave de toi-même, tu es esclave de tes propres péchés, de ta propre nature, et tu ne peux pas, rien faire. Il n'y a plus d'espoir en toi-même. Il faut que tu sortes de là, aller chercher ton espoir en quelqu'un d'autre qui est Dieu personnellement. OK? Fait que les trois, il y a trois mots qu'on a vus livrer. Oui. Les trois mots. Ça englobe tout ce qu'on peut penser de l'être humain. C'est total. Oui, ça touche tout l'être humain, le côté spirituel, le côté moral, le côté de son être intérieur, de son corps, on pourrait dire, le corps de l'être humain, la pensée de l'être humain, son être intérieur. Le mot, des fois, est traduit corps, pensée, mon âme. Le mot peut être même âme à certaines places. Tout mon être intérieur. Il n'est plus capable, il est réprouvé. Oui, Daniel? Parce que l'homme est livré à l'impureté, il est rendu un peu, puis l'autre livré, c'est où qui est là? Passion infâme. Passion infâme. Il est déclaré un peu, puis en plus, il est livré à des passions infâmes. Il va aller dans ce sens-là aussi. Mais remarquez bien ici, l'auteur est en train de nous dire, dans notre texte ici, Dieu ne me rend pas impur. Il me livre à l'impureté. Oui. Donc, j'étais déjà un impur avant. J'avais déjà des passions infâmes. J'avais déjà des sens éprouvés. Mais il me livre, ça veut dire qu'il me rend esclave. Ouais. Il m'empêche de m'en sortir. Okay? Donc, c'est quand il m'emprisonne là-dedans. Même chez les croyants, on a de la misère à accepter que Dieu aurait pu faire ça avec l'être humain. C'est comme si Dieu, depuis la chute, Dieu, à cause de son grand amour, il veut juste m'en sortir de mes problèmes. Non, il m'a enfermé dedans. Pour que je vienne à comprendre qu'il n'y a pas de solution dans l'être humain. Il faut que je sorte en dehors pour aller chercher la solution en Dieu. OK, donc, plus l'être humain veut, on est comme il nous a racheté dans un sable mouvant, et plus on bouge, plus on calme. Plus on calme. On est dans une situation qu'on n'est pas capable de s'en sortir. Plus on essaye, plus on calme. Parce qu'on se tourne vers nous autres, on se refuse D'où l'expression « tu te cales toi-même ». Oui, c'est ça. On se refuse de sortir nos yeux de nous-mêmes et de retourner vers Dieu. On a rejeté ce Dieu-là. On ne veut pas le reconnaître. On ne veut pas l'aimer. On ne veut pas le servir. On ne veut pas le glorifier. Donc, on se refuse de regarder vers lui comme solution. Mm. Donc, il dit, c'est ça que vous voulez? Mais je vous en prie. Mm. Donc, on peut être très, très, très, très, très reconnaissant que Dieu nous a délivrés. Mais en même temps, le fait de me livrer à cela, c'est une manière pour m'aider à comprendre qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de solution. Il veut m'aider, OK? À voir que si je t'enfermais dans moi-même, dans mon propre cœur, je devrais dire, il n'y a pas de solution en moi. Il faut que je lève les yeux à quelque part, OK? Il faut que je regarde en dehors. Je parlais à quelqu'un dernièrement et qui dit, j'ai demandé pourquoi à ce moment ici dans sa vie, elle cherchait Dieu. Ben, je pense que j'ai tout éliminé, j'ai tout essayé les autres affaires. Il n'y a pas d'espoir dans l'être humain. J'ai dit, ben, tu es dans la bonne position pour. Je n'ai pas été jusqu'au place que dire c'est Dieu qui t'a amené là. Okay? Ben, j'ai dit, tu es dans une belle position pour regarder en dehors de toi maintenant. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais là, je cherche du côté de Dieu. Parce qu'elle dit, c'est la seule place que je pense que je peux trouver ce que je cherche. J'ai dit, tu as raison, va dans cette direction-là, va vers Dieu. Va vers Dieu et cherche Dieu. J'ai dit, si tu me permets, je vais t'aider à trouver Dieu. Parce que tu ne peux pas le trouver comme tu veux. Il faut que tu le trouves de la façon qu'il veut être trouvé. Okay? Il nous a dit comment il voulait être trouvé. Tu ne peux pas le trouver en regardant une boule de cristal, mettons. Okay? Je vais te donner quelques idées. Comment le trouver? Par les Écritures, en ce moment-ci, dans notre temps, nous autres. Donc, sa souffrance, le fait d'être emprisonné là-dedans, de ne pas voir de ressources dans l'être humain, elle va en dehors de la boîte. Hein? Elle pense en dehors de la boîte, comme on dit des fois. Donc, c'est une bénédiction. La malédiction que Dieu a mise sur nous, ça devient une bénédiction. Comme la souffrance devient une bénédiction si on l'utilise bien. Okay? Si elle nous pousse vers Dieu, c'est quasiment une bénédiction. Mm-hmm. Elle nous pousse vers Dieu, la souffrance. Mm-hmm. Je ne crois pas que Dieu nous fait souffrir juste par plaisir de nous faire souffrir. Il y a une raison. Et la raison, c'est toujours sa propre gloire. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a livrés à. C'est encore pour la même raison, sa propre gloire. OK? Ceux qui vont rester enfermés dedans, bien, ça va glorifier Dieu parce que Dieu est démontré qu'il est juste et saint. Et ceux qui vont s'en sortir vont montrer la compassion, la miséricorde, le pardon de Dieu dans ce sens-là. OK? Mmh. OK, on va arrêter là. Il est déjà 8h30. Et on va terminer dans la prière, si vous voulez bien. Et je vais demander à Daniel s'il voudrait prier. Seigneur, quelle bénédiction d'apprendre à te connaître, d'apprendre à saisir ce que tu dis, ce que tu nous dis, de constater qu'en dehors de nous, en dehors de toi, il n'y a pas de solution. Merci, Seigneur, de ton esprit nous conduit. Merci que François nous guide, ou plutôt nous fait poser les bonnes questions, fait réfléchir. Merci de ta parole qui est parfaite, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Merci pour cette grâce, Seigneur. Merci pour les frères et sœurs. Amen.